Chapitre 30e. Je regardais Suzanne. Elle n'était pas de celles qui s'évanouissent dans les grandes circonstances. Son doux visage marbré avait pris une expression rigide, ses lèvres tremblaient. « J'aime encore mieux cela que ses caresses, » dit-elle entre ses dents serrées. « S'il vient ce soir, je le tuerai, ou moi-même. » Une idée lumineuse me traversait l'esprit. « Est-il parti ? » dis-je. « Oui, il s'en va toujours quand il a fait une scène. »« Bien, » lui dis-je en l'entraînant dans sa chambre. « Vite, un châle et un chapeau, ne perds pas une minute. » Elle obéit machinalement. « Tes bijoux, » lui dis-je, « où sont-ils ? » Elle indiqua un petit meuble. J'y fouillai vivement et j'y pris sa boîte à bijoux encore intacte. « As-tu des lettres, des souvenirs, quelque chose que tu aimes ?» Elle regarda autour d'elle d'un air indifférent, puis saisit une miniature de sa mère, accrochée à la cheminée, la pressa sur ses lèvres et fondit en larmes. « Non, non, » lui dis-je, « ne pleure pas, il ne faut pas qu'on te voie pleurer. » Elle sécha ses larmes aussitôt. La marque du soufflet commençait à rougir et lui causait une cuisson douloureuse. « Un voile, » dis-je. Elle en prit un et l'attacha avec le même mouvement automatique. Je la fis passer devant moi. L'antichambre était déserte, et les domestiques à la cuisine, dans le sous-sol, se racontaient l'exploit de leur maître, deviné ou entendu à travers les portes. Je fis monter Suzanne en voiture, et je donnai un ordre au cocher. « Où allons-nous ? » me dit ma fille en voyant qu'on ne prenait pas le chemin de la maison. « Chez le docteur, » répondis-je. Le docteur finissait à peine de déjeuner. Je poussai Suzanne dans la salle à manger, et la montrant à notre ami stupéfait. « Voilà ce qu'il a fait de ma fille !» dis-je. Je devais être terrible car le docteur me regardait plus que Suzanne. « Qu'est-ce que cela ? » dit-il sans me quitter les yeux. « C'est un soufflet, et celui qui le lui a donné le paiera de sa vie. » Le docteur secoua la tête, prit la main de Suzanne, toujours muette, toujours droite, et secouée seulement par son tremblement nerveux. « Qu'allez-vous faire ? » dit-il. « Vite, une ordonnance, docteur, nous partons pour l'Italie. » Je l'enlève. Et s'il veut venir me la reprendre, je le tuerai. » Suzanne poussa un cri de joie, s'élança dans le vide pour m'embrasser, et ce fut le docteur qui la reçut dans ses bras, car cette fois, elle était évanouie.